À l'heure d'une loi sur la santé, à l'occasion de laquelle les professions de la psychiatrie demandent une approche plus humaine pour des professions dont la ministre elle-même dit qu'elles ont été abandonnées dans ce pays, eh bien nous entamons une série sur l'histoire de la folie. Demain, Séverine Yatar et Séverine Cassard suivront les pas de l'historien Benoît Magérus dans le Paris de la psychiatrie du XVIIe au XXe siècle. Mercredi, nous nous demanderons comment historiennes et historiens travaillent aujourd'hui sur l'histoire de la folie, près de 60 ans après la publication du livre de Michel Foucault. Et jeudi, eh bien, le documentaire s'attachera à décrire le cas fin 19e de Paul Teche. Et ce matin, eh bien, nous allons nous approcher de la condition des fous au Moyen-Âge avec Maud Ternon. Elle est chargée d'action pédagogique à l'Institut de France et elle est auteure d'une thèse sur le jugement des fous au Moyen-Âge parue aux éditions des presses universitaires de France dans la collection, l'excellente collection Le Nœud Gordien. À la fin de cette émission, notre partenaire Jean-Marc Bastière, rédacteur en chef d'Histoire et Civilisation, viendra nous parler du dossier de ce mois de son journal consacré à Bonaparte avant qu'il ne devienne Napoléon. Et également, nous aurons à l'avant-dernière partie de cette émission, nous aurons Christophe Prochasson, président de l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous expliquera comment un colloque qui s'est tenu la semaine dernière sur l'histoire de la Shoah a été perturbé. Il nous expliquera pourquoi et pourquoi la liberté de la recherche est peut-être menacée par ce type d'intervention. Un extrait de l'Orlando Furioso de Vivaldi, l'air de Bradamante, c'est Cresce un torrente, composé en 1720 et dirigé ici par Jean-Christophe Spinozzi. Mais évidemment, cette folie-là n'est pas la folie dont vous traitez, en l'occurrence Maud Ternon, bonjour. C'est la folie d'amour, en l'occurrence, qui est au cœur de cet Orlando Furioso, alors que vous vous intéressez à la façon dont les fous ont pu être jugés au Moyen-Âge, passés en jugement, en particulier devant les cours royales, donc, et en particulier grâce à tout ce que vous avez pu retrouver dans les archives du Parlement de Paris. On est entre le XIIIe, milieu XIIIe et la fin du XVe siècle avec vous, et vous faites ressurgir Colin Trancard, Johannin de Nangy, Jehan Harod, Jehan Bayet et ses visions, ou encore Jehan Perrault, tous ces personnages que vous avez fréquentés pendant des années dans les archives, en l'occurrence Maud Ternon. Tout à fait. Dans les registres du Parlement de Paris et également dans les lettres de rémission, qui sont les lettres de grâce que le roi de France octroie à des criminels lorsqu'il veut leur éviter le châtiment. Et puis également les registres du Châtelet de Paris, qui était un grand tribunal royal dans la capitale du royaume. Et d'une certaine façon, on peut dire que sans votre travail de thèse, en l'occurrence, publié donc aux presses universitaires de France sous le titre « Juger les fous au Moyen-Âge », eh bien, ces personnages seraient restés des inconnus des archives, totalement oubliés, et vous les exhumez, ces personnages-là, et vous vous posez la question de savoir qu'ils étaient, pourquoi on les a fait passer en jugement et quels étaient les tenants et les aboutissants de ces cours pour pouvoir justement considérer qu'elles étaient folles, ces personnes, ou qu'elles ne l'étaient pas. Oui, absolument. Donc j'ai utilisé ces registres de justice qui donnent à voir deux grands pans de l'activité judiciaire du roi, des gens de justice du roi, le volet pénal, donc la justice criminelle, et la justice civile qui concerne la gestion des biens des familles, en gros. Et donc dans ces deux aspects-là, eh bien plusieurs visages de la folie apparaissent et qui sont effectivement incarnés par des personnages qui sont, des oubliés de l'histoire, tout à fait, et qui ressurgissent à cette occasion. Est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre elles qui vous ont plus intéressé, touché, ou est-ce que c'était des cas d'une certaine façon, comme on pourrait parler de cas médicaux, qui représentaient derrière eux, par leur singularité certainement, mais qui représentaient tout un tas d'autres façons de voir, des façons différentes de voir justement ce qu'était la folie au Moyen-Âge? Ils sont pour la plupart très touchants, effectivement. Et on ne s'imagine peut-être pas que les archives médiévales sont parfois très détaillées dans leur narration. Et il y a effectivement des cas très touchants. Dans les lettres de rémission, évidemment, ces documents offrent des récits assez détaillés et souvent poignants. Parce que la lettre de grâce raconte le crime avant de l'excuser à la fin. Donc à la fin de la lettre, on trouve les formules de la rémission. Mais dans tout le cœur de la lettre, en fait, c'est le récit du crime. Et concernant les fous, c'est plus que le crime qui est raconté, c'est toute la folie. Donc comment la folie est née, comment elle s'est développée chez la personne, ça s'inscrit dans une longue durée, parce qu'il s'agit de montrer que la personne est folle depuis un certain temps. Donc il s'agit bien d'une vraie maladie mentale durable. Et donc il y a par exemple des récits d'infanticide qui sont terriblement poignants, infanticide commis par une mère mais aussi commis par un père. Et alors en général le récit du meurtre n'est pas trop détaillé parce qu'il était aussi horrible pour les gens du Moyen-Âge que pour nous aujourd'hui, mais on trouve par exemple le récit d'une mère qui émascule son jeune fils et le tue donc voilà. Et puis en justice civile, on trouve également des choses des personnages très attachants avec des plaidoiries. Je pense à un homme qui se bat contre le destin que sa famille lui a assigné d'entrer dans l'église, et lui ne le veut pas. Et on l'accuse de dilapider le patrimoine familial et on l'interdit, et lui se bat contre l'interdiction qui a été prononcée contre lui. Parce qu'on va y revenir, effectivement, la question de la prodigalité est toujours liée, la plupart du temps liée à cette question de la folie dans ce Moyen-Âge-là. Mais par exemple, vous évoquez ce cas d'infanticide. Il y a une dizaine de jours, nous avions avec nous Daniel Volman et Annette Wiewiórka qui venaient de parler et de publier un livre sur l'affaire des époux Bach, où une femme qui a déjà eu trois grossesses en 3 ans, ou 4 grossesses en 4 ans, je ne sais plus exactement, enfin son dernier né, donc dans les années 1950, eh bien elle l'abandonne, et elle ne le soigne plus, et cette jeune fille va mourir, et ça m'a fait terriblement penser à Johannette Voidier, par exemple, que vous avez trouvé dans ses archives, du 15e siècle, une femme d'orfèvre parisien qui lui arrive quoi exactement à Jeannette Voidier, en l'occurrence Maud Ternon, elle se rend coupable d'infanticide sur son dernier né qui est âgé de 4 mois, c'est à peu près la même histoire, elle le jette dans un puits et on va se demander si c'est une démente ou pas. Oui, alors il me semble que dans le cas de Jeannette Voidier, c'est une femme qui entend des voix. Vous me direz si je me trompe, mais voilà, c'est ce qui fait sa particularité. En fait, l'infanticide au Moyen-Âge est peut-être excusé lorsqu'il s'agit d'une jeune mère dont l'enfant vient juste de naître, d'une jeune femme qui n'est pas mariée, qui est donc vraiment dans la misère, et qui se débarrasse du nouveau-né. Et là, c'est relativement excusable. Mais Jeannette Voidier, elle entend des voix. Voilà, tout le récit est axé autour de sa démence. Et donc là, elle obtient l'excuse au motif non pas de la misère, mais de la démence. Alors, il faut peut-être, pour mieux comprendre comment au Moyen-Âge on va juger ces fous, puisque c'est le thème de votre travail de thèse publié aux presses universitaires de France, Maud Ternon, savoir s'il y a continuité ou non continuité avec la façon dont on jugeait les fous, on les regardait à la période antique. Et vous nous expliquez bien, effectivement, qu'il y a entre la période antique et cette période du XIIIe, XIVe et XVe siècle sur laquelle vous travaillez, l'arrivée de coutumes qui viennent d'ailleurs que de l'Empire romain, et en particulier du droit romain, mais qu'il y a un très fort retour du droit romain à partir du XIIIe siècle, et que on va voir cohabiter deux regards, des regards un peu différents, qui vont finir par s'unir autour de ce droit romain renaissant, des regards donc qui ne sont pas exactement les mêmes, qu'il va falloir ajuster autour de cette question de la folie au Moyen-Âge. Alors effectivement, il y a une continuité historique sur la longue durée qui est très frappante et qui tient au principe du droit romain autour de la démence pour le volet criminel. Depuis, de manière très ancienne dans le droit romain, le crime commis par un dément n'est pas puni. Et donc le fou n'est pas responsable de son crime, et en aucun cas et avec aucune nuance. Et je précise ça parce que récemment en France, en 1994, un article du droit pénal a introduit une nuance disant que la personne atteinte d'un trouble mental qui commet un crime demeure punissable dans certains cas. Et ça, c'est une rupture historique considérable, parce que ce n'était pas le cas depuis l'Antiquité. Le furiosus, pour utiliser le mot latin, était entièrement irresponsable de ses actes et donc non punissable. Au Moyen-Âge, ce principe de droit romain demeure, et effectivement, il connaît un nouvel essor au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Les coutumes qui se sont développées au Moyen-Âge localement, dans les régions du royaume, sont un peu moins fondées sur de grands principes, comme le droit romain. Elles sont plus fondées sur la pratique judiciaire, et donc on se demande plus quelle est la peine à appliquer, plutôt que de savoir quel est le degré de responsabilité. Et les coutumes indiquent plus qu'il faut mitiger la peine, appliquer une peine très atténuée au dément. Voilà, donc allant jusqu'à l'atténuation complète, donc l'absence de peine. Donc les coutumes prennent la chose un peu sous un autre angle. Voilà, et donc effectivement, il y a cohabitation, expliquez-vous, de ces coutumes et puis de ce retour du droit romain par la faveur d'une unification du royaume. On en parlait d'ailleurs sur un tout autre sujet vendredi dernier, puisqu'on évoquait les enquêtes de Saint-Louis avec Marie de Joux, effectivement, cette volonté d'unifier les royaumes, d'avoir un Parlement de Paris qui va prendre la coupe, pourrait-on dire, sur les justices seigneuriales. On va tout faire remonter au roi pour que, eh bien, tous les sujets du roi puissent être jugés plus ou moins de la même manière et non plus de façon différente. Mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Vous travaillez sur deux siècles, voire deux siècles et demi, sur cette fin du Moyen-Âge, Maud Ternon, ça ne se fait pas, cette unification, en un instant. Tout à fait. Et ce que j'ai observé aussi dans les archives, c'est dans la justice civile, la progression de la curatelle sur les solutions coutumières de la garde et du bail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, il faut peut-être préciser pour nos auditeurs. Tout à fait. Donc là, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait, que font les familles de la personne qui dilapide le patrimoine familial, donc le prodigue. Il est associé dans l'esprit des gens à un dément, donc à quelqu'un qui a un trouble mental. Et là encore, on doit cette association au droit romain, parce que le droit romain, depuis la plus haute antiquité, associe la prodigalité et le trouble mental dans le creuset d'une procédure, ou de deux en fait, qui sont la curatelle et l'interdiction. La curatelle, c'est le fait de désigner pour quelqu'un un curateur qui va administrer ses biens à sa place. L'interdiction, c'est le fait qu'un juge interdise à une personne d'administrer ses biens. Et donc ça, au Moyen-Âge, c'est repris, ça s'applique aux prodigues et aux déments. Ça revient en force donc à partir du milieu du XIIIe siècle. Mais à ce moment-là, les coutumes avaient déjà prévu des solutions pour ces situations-là. Et souvent des solutions qui donnaient une part importante à la fratrie, aux ceux qui se trouvaient autour de la personne considérée comme trop prodigue pour pouvoir gérer ses biens. Tout à fait. C'était la coutume définissait des solutions qui se mettaient en place dans la parenté, entre parents, et on n'avait pas besoin de recourir à un juge. Or, le droit romain, avec sa curatelle, oblige à recourir à une sentence de justice. Et donc, ce qui se passe sur ces derniers siècles du Moyen-Âge, c'est le Parlement de Paris, les gens de justice du roi, de manière générale, sont proactifs pour faire progresser la curatelle, pour la diffuser, que les gens l'utilisent de plus en plus, puisque ça leur permet d'intervenir pour prononcer les sentences et donc d'asseoir le pouvoir leur du roi. Pouvoir, tout à fait. Et donc, d'entrer aussi dans le secret des familles, d'une certaine façon, parce qu'il y avait auparavant des arrangements, et d'ailleurs, pendant un certain temps, vous expliquez bien, Maud Ternon, que les familles vont conserver ces arrangements en passant quand même devant le juge, mais en demandant au juge, d'une manière ou d'une autre, de valider des choix qui ont déjà été faits. Ou que lorsqu'on écrit un testament, par exemple, un père écrit un testament, il va désigner dans son testament celui ou celle qu'il veut voir comme tuteur, donc comme curateur de ses enfants, au cas où il y aurait un problème. Faisant fi en cela, effectivement, du droit du roi ou de la justice à appliquer et à choisir soi-même le curateur. Voilà, il ne faut pas voir effectivement dans ces interventions judiciaires quelque chose qui serait imposé vraiment par le roi, par la justice du roi, mais ce sont bien les familles qui sollicitent l'intervention des juges, qui vont les chercher, et le juge se contente de donner à ces arrangements familiaux la force de la sentence judiciaire. Mais ce sont les parents qui sollicitent le juge, qui proposent le curateur, et d'ailleurs ce sont eux qui témoignent de la démence de leurs parents. Et la plupart du temps, ces procédures sont vues comme des procédures très routinières par les magistrats, et donc il n'y a même pas d'enquête à proprement parler pour attester la démence. On se contente des serments que les parents prêtent à la cour. Et là, le juge prononce sa sentence sur la foi de ses serments. Alors, une des questions tout de même qui est fort intéressante et qui montre effectivement qu'on peut faire une histoire sociale de cette folie au Moyen-Âge, c'est ce que vous avez tenté de faire avec votre livre, Maud Ternon, c'est tout de même de se poser la question de ces frontières qui n'apparaissent pas si évidentes aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient en plein Moyen-Âge ou entre le XIIIe et le XVe siècle. Cette frontière, par exemple, de la prodigalité, on sait très bien aujourd'hui qu'effectivement, en cas de démence, eh bien, on peut mettre sous tutelle ou sous curatelle son proche. Donc c'est un héritage de ce droit romain passé par le Moyen-Âge. Mais effectivement, la question de savoir qu'est-ce qui est normal dans un contexte médiéval, par exemple du don, et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui devient de la prodigalité, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans une société chrétienne qui valorise le don. Donc si on est riche, par exemple, ou moins riche, mais qu'on donne aux pauvres, est-ce que d'une certaine façon on est prodigue et dans ce cas-là on devient l'équivalent d'un démon ou d'un fou? Ou est-ce qu'au contraire, on fait la charité chrétienne et on est tout à fait normal dans cette société chrétienne du Moyen-Âge, Maud Ternon ? Eh bien, c'est effectivement toute la question de la mesure du don et de la dépense. Et il y a la charité chrétienne et il y a également la largesse qui est une valeur cardinale de l'aristocratie. Il faut donner et distribuer. Mais en fait, il faut le faire avec discernement et mesure. Et la prodigalité donc met ça en relief. On voit dans les procès pour prodigalité, les plaidoiries en particulier nous renseignent sur ces questions-là. On voit qu'il faut que le don soit proportionné à la richesse qu'on détient et ne soit pas trop important en volume. Il faut aussi savoir donner aux personnes qui le méritent et donc pas à des personnes qui soient sans honneur. Il faut aussi savoir maintenir les dons à l'intérieur de la famille ou des personnes qui sont dans un cercle bien défini. Et certains biens ne se donnent pas, il faut les garder dans le patrimoine familial. Et donc, à partir de ce moment-là, on passe de l'autre côté, pourrait-on dire. C'est-à-dire que si on enfreint ces règles que vous venez de décrire, Maud Ternon, eh bien, on devient prodigue. Et donc, l'équivalent d'un démon, d'un furiosus, c'est à partir de ce moment-là, on se voit proposer soit une curatelle par la justice, soit d'être pris en charge par le droit coutumier, par ce droit de garde, par exemple, qui est si particulier. C'est un risque, disons. Il faut bien voir que c'est un argument, la prodigalité, qui est donc à la disposition des familles. Et voilà, on va s'en servir au tribunal. Après, le juge va l'entériner ou pas. Ça donne lieu quand même à des disputes. Voilà, c'est un argument qui peut être retourné de plusieurs manières. Et c'est très étrange tout de même, parce que cette question de garder le patrimoine familial, on sait combien la société rurale était marquée par ces questions d'être assis sur un patrimoine terrien, par exemple, ou sur des maisons. Mais on se dit, c'est curieux, parce que ça paraît presque étrange que ça fasse entrer la personne dans ce domaine de la folie que l'on considère aujourd'hui un peu différemment. Je pense que c'est très lié au droit. Là, ce que moi j'ai décrit, ça se passe vraiment sur la scène judiciaire. Donc c'est forcément influencé par les catégories du droit. La prodigalité, voilà, le fait que la prodigalité soit un trouble mental, ça se fait dans le cadre du droit. Cependant, pour les gens du Moyen-Âge, c'était quand même un vice ou un dérèglement très très profond. La vertu de l'honneur, la valeur de l'honneur qui est centrale dans la société médiévale, elle est très associée à la capacité à conserver le patrimoine. Mmh. Et on dit honneur et profit. Le profit économique n'est pas vu comme quelque chose de dévalorisé. Ça fait vraiment partie intégrante de l'honneur et la capacité à bien administrer son patrimoine. Un extrait de Conon de Béthune, Sérège et Dervurys, La fureur et la folie, une chanson de Trouvert d'un croisé mort à Constantinople vers 1220, interprétée ici par la soprane Aino Loun Lavoie-Pierre. Un extrait de Sérège et d'Hervery, Si la fureur et la folie de Conon de Béthune dans notre émission d'aujourd'hui qui ouvre une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la folie avec Maud Ternon, auteur de Juger les fous au Moyen-Âge dans la collection Le Neugordien aux presses universitaires de France. Il faut effectivement insister avec vous sur l'importance d'une notion que l'on connaît quand on s'intéresse à l'histoire du Moyen-Âge mais qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui, cette notion de la fama qui est si importante dans cette société médiévale. Cette fama, cette réputation qui permet d'ailleurs au juge de faire des enquêtes sur le voisinage de quelqu'un que l'on va peut-être considérer comme fou, comme dément, puisqu'on va demander à ses voisins quelle est la fama de celui qui a commis une exaction, un crime et que l'on va juger, en l'occurrence Maud Ternon. Oui, c'est le moyen classique d'établir les preuves de manière générale au Moyen-Âge. C'est l'enquête de voisinage. Et donc la folie n'y fait pas exception. C'est de cette manière-là qu'on établit que quelqu'un était fou dans les procès qui suivent une procédure longue et voilà et ordinaire. On va interroger les voisins, de préférence aux proches parents, puisqu'ils sont partie prenante dans l'affaire. Et puis les médecins sont plutôt peu interrogés. C'est très étonnant ça, vous avez un chapitre sur cette question-là. Pourquoi, alors que dans d'autres affaires de santé, effectivement, les médecins sont appelés, pourquoi au moment où on va vouloir juger un fou au Moyen-Âge ou une folle au Moyen-Âge, eh bien, on ne va pas appeler le médecin? Alors, c'est étonnant effectivement, puisqu'on sait que les médecins médiévaux avaient tout un savoir théorique sur les différents troubles mentaux, et puis un savoir pratique aussi sur les manières de les guérir, les soigner. Pourquoi n'étaient-ils pas appelés pour expertiser les cas de folie? Il n'y a pas de réponse très définitive. Mais on voit que l'enquête de voisinage certainement suffisait au juge. Dans certains cas, les médecins qui avaient soigné le dément étaient écoutés parce qu'ils étaient des témoins plus qualifiés que d'autres, mais pas en tant qu'experts. Et puis le juge lui-même pouvait interroger le dément supposé et la conversation lui permettait aussi de se faire une opinion. Donc le sens commun sur la folie suffisait a priori. Voilà, suffisait sans doute dans la pratique française. Après, quand on lit les écrits des juristes italiens en particulier, il y a des interrogations parce que la folie pouvait être simulée. Donc dans ce cas-là, comment le juge fait-il pour discerner la vérité? Et puis dans certains cas, il est difficile de déchiffrer la folie. Et là, voilà, les juristes s'interrogent. Et puis il y a aussi tous ces symptômes que l'on rassemble pour pouvoir essayer de comprendre si la personne est folle au sens du Moyen-Âge ou si elle ne l'est pas. Ces symptômes peuvent parfois nous apparaître étranges. Le jet de pierre, par exemple, hors du moment de colère, par exemple. Donc, le jet de pierre peut être considéré comme une attaque. Et donc, à partir de ce moment-là, peut-être un symptôme de la folie. L'attaque sur un proche s'en est un aussi, évidemment. Les tentatives de suicide, lorsqu'elles sont répétées, peuvent être aussi considérées comme un moment de folie ou un symptôme de la folie. La tendance à se laisser mourir de faim. Enfin, tout un tas de symptômes qui, pour un juge médiéval ou pour des gens de cette société du XIIIe au XVe siècle, sont des signaux. Alors que peut-être aujourd'hui, ça n'en est pas pour nous, Maud Ternon. Oui, alors chacun des symptômes que vous venez d'énumérer s'explique d'une manière précise. Le jet de pierre, c'est un stéréotype dans les textes du droit, parce que c'est un signe de folie qui est inscrit dans le droit depuis l'Antiquité. Il y a très peu de signes de folie qui sont inscrits dans le droit, mais le jet de pierre y est, et donc c'est resté comme un signe de folie. Et d'ailleurs, dans la littérature médiévale, on trouve le jet de pierre. Alors le fou peut lancer des pierres, mais il en reçoit aussi avec des scènes de dérision et d'outrage des enfants qui chassent les fous en leur jetant des pierres. Après, les autres symptômes, eh bien, ce sont des schémas d'inversion et de rupture du lien social de manière générale. Donc le suicide répété. Voilà, l'agression contre soi-même et l'agression contre son enfant ou contre son conjoint, eh bien, c'est la rupture du lien social chrétien médiéval élémentaire. Voilà, et d'autres d'autres, donc le fait de ne pas manger, le fait de se dévêtir, de se promener seul, tout nu, de délirer, de parler seul, voilà, tout ça c'est la désocialisation typique de la folie, parce que la folie c'est aussi un tout simplement un schéma d'inversion et de rupture. Oui, et d'ailleurs, vous précisez bien dans votre travail, Maud Ternon, que vous ne vous intéressez pas à ce qui intéressait généralement les gens qui pensaient folie au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la nef des fous, à la fête des fous, au bouffon du roi et toute chose de, ou fou du roi, toutes choses qui, d'une certaine façon, sont justement des représentations physiques de cette inversion, mais d'une inversion qui, elle, est volontaire, qui est décidée dans un processus très particulier. Oui, et puis ces images-là se développent dans la sphère culturelle et n'ont que très peu de rapport, voire aucun, avec les pratiques sociales du Moyen-Âge. La nef des fous, c'est un stéréotype littéraire en premier lieu et iconographique ensuite, qui a connu un grand succès à la fin du XVe siècle. Et à cette période-là, fin XVe, début XVIe, le motif de la folie est très à la mode dans la littérature. On pense à l'éloge de la folie, par exemple. Et à nouveau, c'est un schéma d'inversion. Il s'agit soit de vanter le fou qui est en fait le plus sage de nous tous, dans l'éloge de la folie, soit de, dans la nef des fous, de montrer que chaque fou représente un vice de la société qu'il s'agit de dénoncer. Alors, il y a donc ces signes extérieurs, pourrait-on dire, de la folie pour un homme ou une femme du Moyen-Âge, mais la difficulté, c'est d'essayer de les interpréter, c'est-à-dire de savoir d'où cela vient. Et là, à partir de ce moment-là, il y a des théories qui se mettent en place, expliquez-vous, Maud Ternon, qui tentent de comprendre comment une telle pathologie a pu exister. Alors, évidemment, des théories auxquelles on pense là aussi parce qu'on a été extrêmement touché par tout un tas d'interprétations sur la sorcellerie, le diable, etc. Vous dites que tout compte fait, ça n'est pas ce qui est le plus fréquent dans les explications. En revanche, on y trouve évidemment, et le terme lunatique que nous utilisons encore aujourd'hui, la question de l'influence de la lune, folle et idiot par lunaison, ainsi le jeu en Perrault. Mais on y trouve aussi des raisons supposément médicales. Un fournier qui s'approche trop près et trop longtemps pendant des années de son four, évidemment son cerveau a peut-être cuit à l'intérieur de son crâne et à partir de ce moment-là, il peut devenir fou. Enfin, on tente de comprendre comment quelqu'un est entré dans un acte ou dans un moment de démence, tout en pensant d'ailleurs qu'il n'y a pas de permanence de cette démence sur toute une période de temps. Voilà, les archives judiciaires que j'ai étudiées donnent à voir effectivement des traces de différents modèles explicatifs de la folie. Alors, au Moyen-Âge, il existe le modèle médical. La folie est présentée comme un trouble physiologique, une atteinte du cerveau. Alors, il y a à la fois le déséquilibre des humeurs, tout ce qui est très classique dans la médecine médiévale, et les lésions au cerveau. On en trouve plutôt peu de traces dans les archives judiciaires. Et là, vous venez de citer ce cas assez amusant du fournier. C'est dans une lettre de rémission, il est expliqué qu'il est devenu fou parce qu'il aurait passé donc trop de temps près de son four. Plus de 14 années. Voilà. Mais en fait, c'est très rare. Hein. C'est, oui, vous expliquez aussi le cas d'un trépané, par exemple, dont on dit qu'il a été trépané pour une raison ou pour une autre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est devenu fou. Voilà, donc ça, c'est plutôt rare. Les archives judiciaires expliquent en général le développement de la folie par un événement. Le deuil, par exemple. Alors voilà, hein, souvent, alors c'est soit une émotion malheureuse et très forte, un deuil, parfois un épisode de jalousie très très fort qui fait perdre la raison. Et puis, c'est un choc physique également, éventuellement un coup sur la tête, mais le plus souvent, c'est la maladie. Donc des fièvres, la personne a traversé une maladie très intense qui lui a laissé des séquelles psychiques. Voilà. Il y a aussi la question des âges. Quand on est jeune, on est plus susceptible d'être rentré dans la folie, comme d'ailleurs dans la prodigalité, c'est la même chose. Ou alors, évidemment, la question de la démence sénile, et là, c'est donc pour les plus âgés. Voilà, hein, le jeune homme est plus susceptible d'être un peu simple d'esprit, voire un peu dément. Et puis, effectivement, la sénilité due au grand âge. Et donc, dans les archives judiciaires, les causes surnaturelles de la folie apparaissent très peu. Et si peu, en fait, qu'on voit bien que les notaires royaux essayent de gommer au maximum l'explication surnaturelle. Oui. Parce qu'en fait, cette explication surnaturelle, donc la possession démoniaque, elle était quand même bien acceptée dans la société médiévale. Quand on voit quelqu'un être violent et déliré, etc., on pense tout de suite à une possession démoniaque ou éventuellement à un ensorcellement. Ce sont des hypothèses qui sont très présentes dans l'esprit des gens, dans toutes les couches de la société. Y compris quand c'est le roi qui tombe fou. Et quand c'est le roi quand qui Charles VI fou, qui devient voilà, fou à la fin du XIVe siècle, on pense à ça. Voilà, on pense à un ensorcellement, on ne pense pas à la possession, parce que ça ne convenait pas du tout à la majesté royale. Mais oui, on pense à un ensorcellement. Les archives judiciaires montrent donc que cette hypothèse-là était peu acceptée. Elle n'avait pas vraiment droit de cité dans les tribunaux du roi à Paris, en ces derniers siècles du Moyen-Âge, où l'Église et les théologiens parisiens tentent de circonscrire au maximum l'hypothèse de la possession démoniaque. On est dans une période où l'Église essaye de mieux définir les normes de la foi, les hypothèses de la foi, et donc la possession démoniaque, eh bien, on essaye de convaincre les gens que tout n'est pas possession. Voilà. Oui, et tout de même, vous trouvez quelques exemples de cas qui ont été tentés par l'ennemi, comme on disait à l'époque, mais ce sont des cas relativement rares, expliquez-vous, Maud Ternon, et il ne faudrait pas les généraliser dans ce corpus d'archives très important que vous avez pu consulter. Ça n'est pas le plus fréquent, en l'occurrence, Maud Ternon. Ce n'est pas le plus fréquent, et donc la maladie mentale est vraiment vue comme un phénomène naturel, avec des causes naturelles. Et en fait, on voit qu'au Moyen-Âge coexistent deux modèles explicatifs de la maladie mentale. Le modèle surnaturel, donc la possession démoniaque, ce que nous, aujourd'hui, on a bien en tête, et sans doute trop, hein, ce sont les stéréotypes habituels sur le Moyen-Âge, et ce modèle de la maladie naturelle, éventuellement causée par une influence de la Lune, parce que l'influence des astres, c'est quelque chose qui est assez étudié aussi au Moyen-Âge, mais ça entre dans l'ordre des phénomènes naturels. Et donc on reconnaît la maladie par lunaison, donc sous l'influence des cycles de la Lune. Ce qui est fort intéressant et qui d'ailleurs mériterait d'être poursuivi, pourrait-on dire, Maud Ternon, c'est que vous faites quelques incursions dans ce domaine-là, dans votre travail sur juger les fous au Moyen-Âge. C'est la comparaison qu'on appellerait internationale. Vous nous avez cité ces juristes italiens dont vous parliez tout à l'heure. Il y a aussi quelques incursions dans le domaine des Plantagenets pour voir comment en Angleterre on juge différemment que les sujets du roi qu'en France, en l'occurrence. Et on se dit, on aimerait une grande enquête internationale qui montrerait comment l'Europe du Moyen-Âge juge les fous, et peut-être de façon différente, selon des traditions qui seraient plus marquées par le droit romain, d'autres par le droit coutumier, d'autres par des droits différents. Et ça, c'est fort intéressant, en l'occurrence, Maud Ternon. Oui, la différence entre le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre est effectivement très intéressante. Les études qui existent en Europe ont montré des similarités très importantes entre la France et l'Italie pour cette période-là. Vraiment, le droit qui s'applique est à peu près le même et repose sur les mêmes fondements, ceux du droit romain. Alors qu'en Angleterre, effectivement, le système de la garde des démons est très différent parce que le roi d'Angleterre possède un droit de garde, une prérogative qui lui revient. Lorsqu'un de ses sujets est dément et qu'il hérite du patrimoine familial, eh bien le roi a le droit de mettre la main dessus, de se saisir du bien, de le faire garder par quelqu'un et donc de prélever au passage une partie des richesses. En France, ça n'existe pas du tout. Le roi de France n'a aucune prérogative en la matière. Ça reste dans les mains des familles. Et ça s'explique par le fait qu'en Angleterre, le droit repose sur des fondements féodaux. Et voilà, tout ça s'organise de manière très différente. Et donc, ça voudrait dire que si on allait plus loin dans cette enquête, on allait voir du côté du domaine germanique, de l'Europe, du côté de Prague ou de Vienne, on aurait peut-être d'autres résultats qui permettraient justement de compléter ce panorama, pourrait-on dire, de la question de la folie au Moyen-Âge. On observerait sans doute des solutions qui s'établissent sur des fondements différents. Et après, ce qui est intéressant à observer, c'est que bien que les fondements soient différents, dans la pratique, c'est relativement similaire. C'est-à-dire qu'en Angleterre aussi, les officiers du roi, en fait, laissent les familles s'organiser un petit peu comme elles le veulent, même si ça se rattache à une prérogative qui existe. Voilà. Merci beaucoup Maud Ternon. Je rappelle que votre livre s'appelle « Juger les fous au Moyen-Âge » dans la collection Le Nœud Gordien aux presses universitaires de France. Et c'est un livre qui évidemment est le sujet d'une thèse, donc, mais qui mérite désormais, on a compris, d'être développé par votre travail ou ceux et celles de ceux qui, comme vous, se plongent dans les archives médiévales. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. ...9h47 dans cette émission du lundi, avant de rejoindre Jean-Marc Bastière qui nous parlera du dernier dossier de la revue Le Monde, Histoire et Civilisation, dont il est le rédacteur en chef. Nous avons au téléphone avec nous Christophe Prochasson, président de l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Christophe Prochasson. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous. Nous avions annoncé avec force trompette, comme la petite jingle que l'on vient d'entendre, la tenue, c'était jeudi et vendredi dernier, donc à l'École des hautes études en sciences sociales, mais également avec une séance au Collège de France, d'un grand colloque sur la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. C'était Annette Wieworka qui, à ce micro même, était venue nous la présenter, ces deux grandes journées qui ont rassemblé des historiens aussi importants que Jan Grabowski, qu'Agnieszka Grudzińska, que Agnieszka Aska, ou encore Anna Biconte, Johanna Tokarska-Bakir, et bien d'autres encore autour de cette question de la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, qui était une sorte de suite à un colloque qui avait été organisé en 2005, je crois. Et en tant que président de l'École des hautes études en sciences sociales, vous étiez très heureux d'accueillir ce colloque, mais vous avez eu quelques désagréments, pourrait-on dire, dès avant la tenue de ce colloque. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, en l'occurrence, Christophe Prochasson ? Oui, désagréments, Emmanuel Laurentin, est un mot un peu faible, qui ne traduit pas l'indignation qui est la mienne. Nous avons reçu, avant le colloque, de très nombreux mails, coups de téléphone, courriers papier, qui nous demandaient l'annulation purement et simplement de... Ah oui, l'annulation. Oui, ces courriers, ou en tout cas ces tentatives d'intimidation venaient de groupes nationalistes polonais qui pensaient que le colloque international dont vous avez rappelé la qualité scientifique, d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls organisateurs, le CNRS, l'Université de Strasbourg, la Fondation Mémoire pour la Shoah et l'Académie polonaise des sciences étaient aussi des organisateurs, donc le crédit scientifique était incontestable, mais ces gens... considérait qu'il s'agissait d'un meeting anti-polonais, ce qui n'était naturellement pas le cas, au vu donc de la qualité des intervenants, mais aussi, je dirais, de la tradition qui lie l'École des hautes études en sciences sociales avec la Pologne, qui, comme d'autres pays d'ailleurs d'Europe centrale et orientale, ont été des partenaires depuis très longtemps, depuis la chute du communisme. Et même avant, puisque on peut dire que par exemple le travail de Jacques Le Goff était très présent justement avec des chercheurs, des médiévistes tout à fait reconnus et en même temps des militants. Dans cette Pologne d'avant la chute du mur, en l'occurrence, Christophe Prochasson. Oui, vous pourriez d'ailleurs évoquer, il y a une grande date dans ce lien entre l'école et la Pologne, 1986, hein, Jacques Le Goff a prononcé à Paris le texte qu'avait préparé pour cette occasion son collègue et ami Bronisław Geremek, qui à l'époque était retenu, comme on le disait en Pologne, par les autorités communistes. Et donc, ça c'était avant ces deux jours de colloque. Que s'est-il passé pendant le colloque? Et c'est pour cela que nous avons choisi de vous avoir au téléphone, parce que, évidemment, ces menaces qui étaient déjà très prononcées avant le colloque se sont exercées pendant le colloque même, c'est-à-dire jeudi et vendredi dernier. Tout à fait. Écoutez, la chose est bien simple. Il y a une trentaine de personnes qui sont venues troubler par divers incidents tout au long de ces deux journées, des troubles manifestement concertés, hein, qui donc étaient dans le prolongement direct des intimidations que je vous ai évoquées. Alors, c'était des prises de parole intempestives, du chahut, rien de grave en termes de choc physique, mais ça a rendu le travail extrêmement difficile, extrêmement tendu. Judith Yonkan, qui a fait beaucoup pour ce colloque, a manifesté un courage, je dirais, tout à fait remarquable, car il n'y avait pas que des chercheurs chenus, mais aussi des hommes, disons, relevant d'une autre culture que la simple culture scientifique. Et nous avons dû faire front. Pendant deux jours, évidemment sans céder, parce que au fond c'est tout simplement la science, les savoirs qui étaient en jeu, mais les conditions de travail étaient devenues absolument impossibles, évidemment je dénonce et avec bien d'autres d'ailleurs ces conditions qui ont été le fait de ces groupes nationalistes polonais qui mettent en cause le travail scientifique de grands savants. Et cela, ça vous pose une autre question, d'une certaine façon, en tant que président de l'École des études en sciences sociales. C'est, et ça n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, de ces nationalistes, mais d'autres groupes qui peuvent venir, justement, perturber ce genre de colloque de recherche. Vous posez la question, justement, de la capacité à tenir une sorte de liberté de recherche, Christophe Prochasson, dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement violent, verbalement pour l'instant, mais qui pourrait être aussi... J'entendais ce matin sur votre chaîne des développements sur la haine et la généralisation de la haine. Je dois dire que l'arène scientifique n'est pas à l'abri, malheureusement, de ce genre de sentiments. Lorsque l'on confond l'arène scientifique et l'arène politique, l'arène des savoirs, de production des savoirs et l'arène du règlement de compte politique, eh bien, on est conduit à s'inquiéter pour l'avenir des libertés académiques, hein, lorsqu'à la place de l'argument, c'est l'insulte. Et l'insulte, je tiens à le dire, je n'ai pas encore prononcé le mot, mais l'insulte antisémite, car il y a eu des propos antisémites qui ont été formulés par ces perturbateurs, on voit le grand danger qui menace aujourd'hui particulièrement, je dirais, nos savoirs en sciences humaines et sociales et l'histoire, évidemment, qui s'empare de sujets. Il est normal de discuter, mais qu'il n'est pas normal de renverser ou de faire taire. Merci beaucoup, Christophe Prochasson. Nous suivrons, bien évidemment, à la Fabrique de l'Histoire, nous suivrons les suites de cette affaire dont nous tenions à parler tout de suite après la tenue de ce grand colloque international sur la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Bonjour Jean-Marc Bastière. Bonjour. Vous êtes notre partenaire, donc vous venez une fois par mois nous présenter le dossier de votre journal dont vous êtes le rédacteur en chef, Histoire et civilisation. Et le dossier de ce mois, donc, est consacré à Bonaparte avec une question simple. Comment devient-on Napoléon ? Oui, comment de petit officier déclassé devient-on maître d'une nation ? Une ascension légendaire avec toute l'aura de la jeunesse que celle de Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio il y a 250 ans. La Révolution offrit aux ambitieux des circonstances exceptionnelles, comme on en retrouve rarement. Mais encore fallait-il, pour saisir l'occasion, cette occasion qui se saisit par les cheveux, le fameux kairos des Grecs, une personnalité à la hauteur de ce défi. Pourtant, au départ, Bonaparte n'est pas enthousiasmé, c'est le moins que l'on puisse dire, par la Révolution. Elle heurte sa sensibilité, la foule parisienne lui fait horreur. Pour tout dire, il n'a pas de goût pour l'égalité et la liberté. Et puis, si sa culture est française, son identité est très mêlée. Il se considère comme un Italien de Corse. Un temps, il devient même indépendantiste et développe une haine féroce contre les Français. Mais la Corse ne lui réussit pas, Jean-Marc. Non. Bonaparte échoue en effet dans ses ambitions locales. Il a tenté à Ajaccio une sorte de coup d'État, mais Paoli s'oppose à lui. Il doit fuir et se retrouve sans le sou à Marseille en 1793. C'est alors que, sans perspective, il se résout à rejoindre le mouvement révolutionnaire. En 1793, sa première réussite est la prise de Toulon aux Anglais. Il y exerce ses talents d'officier artilleur. Barras, un député de la Convention, remarque qu'il y a de l'avenir dans ce jeune homme. Mais Bonaparte connaît un nouveau passage à vide. Lié au Robespierriste, il est une sorte de victime collatérale du 9 Thermidor, jour qui voit la chute de l'incorruptible. Il refuse de partir en Vendée. on le met en congé maladie, puis on le case au bureau topographique du ministère de la Guerre. Mais Barras, son protecteur, le remet en selle. Le jeune officier accepte de faire mitrailler les insurgés royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris. Mais sa plus grande occasion, c'est qu'il saisira d'ailleurs à merveille, c'est le commandement de l'armée d'Italie, Jean-Marc. Oui, enfin, à 27 ans, il hérite du commandement de l'armée d'Italie. Il peut alors appliquer avec succès ses idées stratégiques. C'est durant cette campagne qu'il rentre dans la légende. Ses exploits militaires sont tels qu'il se forge une image de héros. On voit en lui un héritier des grands conquérants de l'Antiquité, tels Alexandre et César. Désormais, il est célèbre et son poids politique quand il rentre à Paris est considérable. Et pourtant, c'est assez curieux, il se lance dans la campagne d'Égypte. Oui, il veut attendre, selon sa propre expression, que la poire soit mûre pour prendre le pouvoir. Avec l'Égypte, il poursuit son rêve oriental. Il s'entoure de savants et de techniciens de toutes les disciplines. L'égyptologie est née de l'expédition de Bonaparte. Pourtant, sur le terrain, c'est un échec, au point que Bonaparte abandonne son armée sur place pour regagner la France. Le régime du Directoire, alors, est à bout de souffle. Celui que l'opinion voit comme un sauveur participe au coup d'État du 18 Brumaire, date qui correspond au 9 novembre 1799. Le Conseil des Anciens et le Conseil des 500 sont réunis à Saint-Cloud, hors de Paris. Pour faire tomber le régime, les parlementaires doivent voter l'abrogation de la Constitution de 1795 qui avait installé le Directoire. Mais les débats s'éternisent et Bonaparte s'impatiente. Malade, épuisé, le conquérant perd ses moyens au point, semble-t-il, de s'évanouir. Le coup d'État est alors tout près d'échouer. Heureusement pour lui, son frère Lucien rattrape le coup. Il parvient à redresser la situation. Le consul est confié à trois consuls provisoires, dont Bonaparte. Et dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, ouvrage à l'esprit très républicain, on lit à propos de Bonaparte, né à Ajaccio, île de la Corse, le 15 août 1769, mort au château de Saint-Cloud le 18 Brumaire en 8. Commence, en effet, une autre histoire. C'est formidable que de considérer qu'il est mort à ce moment-là, donc au moment du coup d'État du 18 Brumaire, en l'occurrence. On peut retrouver donc votre dossier sur Bonaparte, comment il est devenu Napoléon, dans le dernier numéro de Histoire et Civilisation. On y trouvera d'ailleurs aussi un portfolio consacré à Jérôme Bosch et tient donc à la Nef des Fous. Comme à l'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Anthony Thomasson était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous vous proposerons dans notre série consacrée à l'histoire de la folie une balade dans Paris, dans les pas de l'historien Benoît Magérus, donc en s'intéressant à la façon dont les institutions donc psychiatriques ont pu être installées à Paris entre le XVIIe et le XXe siècle.